Chapitre 3e. L'heureux homme descendit la rue Vivienne, gagna pédestrement les boulevards et se hissa en citadine. Raoul s'élança dans un fiacre qui passait. « Suivez cette voiture, » dit-il à l'automédon. Celui-ci fit claquer son fouet et marcha dès lors à la remorque de son confrère. « Il est certain, » monologuait Raoul, « que mon ami manque d'expansion. Comment capter sa confiance? Ah, si son cheval voulait s'emporter! Je me précipiterai au péril de mes jours. Je sauverai ce crétin. Il me presserait contre son cœur et, pour ma récompense, il me présenterait à Madame de Logel. » Mais les chevaux de fiacre prennent rarement le mot-rodant. La citadine déposa son contenu sans encombre en face du théâtre de la Porte Saint-Martin. « Tiens, » pensa Guérac, « est-ce que nous allons au spectacle? Il fait bien chaud, cependant. » Qu'il fît chaud ou non, M. Gibson se dirigea vers le bureau et demanda un fauteuil d'orchestre. Raoul s'empressa de l'imiter. Il arriva que, la salle étant comble, Guérac fut forcément séparé de sa victime. Aussitôt, il s'arrangea de manière à ne pas la perdre de vue et à fondre sur elle si elle faisait mine de s'enfuir. Défiance injuste! L'homme au parapluie ne songeait plus à Raoul. Il emplissait déjà la rotondité de son fauteuil. Sa bouche était grande ouverte, ses gros yeux sanguinolents fixés sur la scène s'évertuaient en vain à comprendre la pièce. C'était un ballet ferry hérissé de calembours centenaires et le public se livrait en masse à une formidable hilarité. Seul M. Gibson ne se dérida point. Ce dialogue, qui réjouissait le peuple le plus spirituel de la terre, le laissait, lui, à 10 degrés au-dessous de zéro. Toutefois, lorsque les danseuses surgirent un pied en l'air, les bras en guirlande et un sourire postiche sur leurs lèvres peintes, M. Gibson dégela tout d'un coup, exhuma des basques de sa redingote une lorgnette monstre, en nettoya les verres, et s'abîma dans une ivresse comparable à celle du vrai croyant qui entrevoit le paradis de Mahomet. Rien n'est durable ici-bas. La chute du rideau lui déroba cette radieuse perspective de maillot couleur de chair. Le digne homme tressaillit, souffla comme un phoque et enjamba les banquettes. Raoul l'escorta de loin jusqu'au café le plus proche, où M. Gibson noya ses émotions dans une bouteille de porteur. Ainsi fut employé le premier entr'acte. Mais à tous ceux qui suivirent, M. Gibson renouvela la même manœuvre. Il ne varia que ses rafraîchissements et voltigea du punch au bischoff et du gros Gauvin chaud. Vers 11 heures du soir, son teint ressemblait à un incendie. « Grand Dieu !» s'écria Raoul effrayé, « pourvu qu'il ne soit pas frappé d'apoplexie avant de m'avoir présenté à Madame de Logel. » Comme il finissait ces mots, il s'aperçut qu'une stalle était restée vacante auprès de l'homme obèse. Guérac se hâta de s'y incruster. Au contact de son persécuteur, M. Gibson frémit de la cime à la base. Raoul s'assit tranquillement et reprit son histoire au point même où il l'avait interrompu 3 heures auparavant. « Je crois vous avoir informé, monsieur, que, ne découvrant personne qui peut me présenter à Madame de Logel, je courais à son hôtel résolu à me présenter moi-même. Naturellement, on ne me reçut pas. J'écrivis, et jamais lettres, y compris celles d'Héloïse et Abélard, ne furent plus brûlantes et plus insensées. Naturellement encore, elles n'obtinrent aucune réponse. Je remuais ciel et terre, usais de cent stratagèmes, imaginais 1000 combinaisons et n'arrivais même pas à éveiller la curiosité de mon inhumaine. Qu'eussiez-vous fait en une telle conjecture? M. Gibson ne broncha pas. Évidemment fort agité, il lorgnait les galeries pour se donner une contenance. Pouvais-je décemment, continua Raoul, arrêter sa voiture au bois ou forcer sa loge aux Italiens pour lui crier « Madame, je vous aime, épousez-moi » Non, les convenances s'y opposent. Hélas, pourquoi ne se sont-elles pas opposées à ce que je la rencontrasse chaque jour au théâtre, à l'église, aux courses, aux concerts? Car à son insu, je l'accompagne en tout lieu. Je suis son nègre, son chien, son ombre. Mêlé à la foule, je lui vole impunément d'imperceptibles faveurs. 20 fois j'ai frôlé sa robe, aspiré le parfum de ses cheveux, bu les rayons de ses prunelles, baigné mon âme dans la neige de ses épaules nues. Autant de poison, cher monsieur Gibson. À ce métier de florissant et joyeux que j'étais, je suis devenu maigre et mélancolique. Le bruit court que je compose des vers. Enfin, je me promène si fréquemment sous ses fenêtres que mes amis me jugent atteint d'une sorte d'aliénation non encore définie par la science. Ils l'ont baptisée la monomanie de la rue Saint-Honoré. M'écoutez-vous ? Monsieur Gibson empoigna ses favoris à deux mains et les ébouriffa avec rage. « Tel est, acheva Guérac, tel est, cher monsieur, l'impasse où je languis. Vous seul pouvez m'en tirer. Vous connaissez mon idole, puisque vous l'avez saluée ce soir devant moi, et qu'elle vous a gratifié d'un signe mystérieux. Au nom du ciel, soyez mon sauveur, mon confident, mon appui, mon père. Présentez-moi à Madame de Logel, et ma reconnaissance, mon amitié, ma fortune, ma vie, tout est à vous. » Raoul aurait parlé chinois qui lui produit un effet plus satisfaisant. L'orchestre préludait pour le dernier acte. M. Gibson, toujours muet comme un poisson mais couvant une violente colère, prépara sa lorgnette. Ce dédain persistant irrita Guérac. Il effleura du doigt l'épaule du silencieux étranger. « Monsieur, lui dit-il, permettez-moi de vous mettre au courant d'un détail que vous me semblez ignorer. C'est qu'en France, toute question polie exige une réponse. » Cette fois, M. Gibson fit trêve à son mutisme. Il enveloppa son adversaire d'un regard terne et riposta, avec un accent anglais extrêmement prononcé. « Monsieur, j'ai de la patience, et je crois vous avoir fourni la preuve. » « Oui, » fit Guérac. « Cependant, » continua l'homme au parapluie, « je vous préviens que vous m'excédez. » « Tel n'est pas mon but, » dit Raoul. « Je suis un honnête homme et un citoyen libre. » poursuivit M. Gibson. « J'appartiens aux États-Unis d'Amérique, et votre police n'a rien à voir dans mes affaires. » « La police, » répéta Guérac. « Silence, assis, à la porte, le bavard !» hurla le parterre d'une seule voix. La toile se levait. Guérac, contraint de renvoyer les explications à un moment plus propice, s'en alla ronger son frein dans un des couloirs de dégagement. De cet observatoire, il guetta M. Gibson pour le happer au passage. Mais à l'issue du spectacle, soit hasard, soit préméditation, l'Américain s'évada par le couloir opposé. Ce fut un coup de foudre pour Guérac. Néanmoins, il se démena, poussa, bouscula, joua des coudes avec tant de supériorité qu'il troua la multitude et déboucha l'un des premiers sous le péristyle. Il n'était plus temps. Si vite qu'il eut accompli ses évolutions, M. Gibson l'avait devancé. Raoul le découvrit au milieu de la chaussée, arrêtant un coupé de remise. Or, il pleuvait à torrents et nulle autre voiture disponible ne se montrait à l'horizon. Que faire ? Suivre à la course une entreprise dont un lévrier seul se fût tiré à son honneur. Et déjà le coupé s'ébranlait. Avec lui allait s'évanouir tout espoir d'être jamais présenté à Madame de Logel. Raoul eut une inspiration subite. Il franchit d'un seul bond le trottoir, atteignit le véhicule, l'escalada, et se ménagea par la force une place à côté du cocher. Celui-ci réclama. 10 francs lui refoulèrent les exclamations au fond de la gorge. Il sourit discrètement et fouetta ses haridelles.